C'est la vie qui m'intéresse, ses joies et ses détresses. J'aime parler des autres. Là, je parle de moi, d'un jour à l'autre. Germinal, et qui est Germinal, ça c'est mon nom, je suis rentré dans les annales, habituez vos oreilles à mon son, je veux pas drap en satin, ni de peignoir en marbre, juste la santé mon frère, ouais. Vaillant comme un arbre, rappeur fauché comme les blés, je pose pour le kit tout double, ouais. Je me suis toujours méfié de certains regards troubles, je vais pas perdre mon temps, mon flow, mon âme et mes rimes, à gâcher mon angle pour te parler sans cesse de crime, je pose tranquille, ouais. Je prends de l'altitude, ouais. Prendre un peu de recul, ouais. C'est la bonne attitude, ouais. Quoi, y'a quelque chose plutôt que rien. Cherche la réponse dans la rue ou bien dans les bouquins. J'ai 30 ans, toutes mes dents et toujours le sourire. J'ai 30 ans maintenant et je ne veux pas mourir. Né à Besançon, ouais, comme Victor Hugo. Succès posthume assuré, ouais, grâce à mes mots. Chaîne quartier, chrono, poignée, bague aux petits doigts. Juge-moi pour ce que je suis et non pas pour ce que je porte, gars. Comme Mr. Flex, je fais mon job à plein temps. Je fais fonctionner mon cortex pendant des heures durant. Germinal, Germinal, un ami qui vous veut du bien, retiens bien mon prénom. En première page demain. Criminel G, je rappe pour me faire entendre. Tout est bon à recycler, mec. Tout est bon à prendre. Je fais pas de salsa, comme dans tous les bars à la mode. J'ai rien contre ça. J'ai ma foi, mes propres codes. Je suis un paradoxe. À moi tout seul, tu sais. Fais ce que je dis, ouais. Mais surtout pas ce que je fais. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je vais passer le relais. Je rappe comme ça, comme chant. Écoute ma chat, je suis pas vrai. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je veux rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte en fait. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je vais passer le relais. Je rappe comme ça, comme chant. Écoute ma chat, je suis pas vrai. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je veux rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte en fait. Tout ce qui compte. Je kiffe le rap depuis 86. Ça fait rouf tant d'années qui viennent de passer fils. En ces temps-là, avec mes gants blancs, j'étais un petit jeune. Un petit breaker à 2 francs de la Zulu Nation. Pur produit local à Noise, toujours joué dans le quartier. On a usé la MPT à force de répéter. Big up pendant que j'y suis à la Ramsa Family. Musique afro-orientale à tout jamais l'ami. Double R, double L, tous ces mots sont pour vous. Aux gens d'ici en transe, à nos concerts de fous. Dalbuka Roya, rythmera toute ma vie. Fasterner, mon frère, pour perpète j'ai pris. Le son des peaux lointaines du continent africain est parvenu à mes oreilles de petit européen. Le blues du Delta, originaire de la terre-mère, a façonné la black music pour mon plus grand plaisir, frère. J'ai les mains moites, mic à la main, je peux pas le lâcher. Un couplet à cracher, pas facile à choper. À chipper, à choper, dédicace à Sydney. Au premier des premiers, un précurseur en vrai. Criminel G, ouais, criminel LOG. Omerta sur le son, attention y'a danger. LOG mon complice, est un orfèvre du son, ah ouais. Là-bas c'est son arme, incensier les boutons. On fait à deux mecs, ce que t'essaies de faire à 10. Pas besoin d'une grande armée pour liquer le bénéfice. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je vais passer le relais. Je rappe comme ça, comme chant, écoute ma chat, je suis pas vrai. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je veux rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte en fait. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je vais passer le relais. Je rappe comme ça, comme chant, écoute ma chat, je suis pas vrai. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je veux rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte en fait. Tout ce qui compte. J'aime ce que cachent les gens comme des lettres pas ouvertes. Ça parle cash dans la rue, rote et à haute ou adepte. Je vais rendre la parole à ceux qui l'ont jamais. Faire que leurs mots s'envolent et prennent vie sous mon trait. Je serai du rire et des larmes, mon micro est une arme. Un seul coup à l'ancienne qui fait mouche à chaque drame. Ad vitam aeternam, je parlerai du macadam. Pas de blâme, les gars, je suis pas Bush ni Saddam. Amilsil al-Samoud est tombé dans mon jardin. Y'a plus de pétrole dans ma bagnole, je vais faire la guerre aux Irakiens. T'inquiète, tonton, je sais que les choses tournent pas rond. Les Bagdadi, il faut encore, vont faire les frais des canons. Pas là pour théoriser, pas là non plus pour terroriser. Si j'écris, je couche mon intimité sur papier. Germinal PV, je viens au gré de mes pensées. Pas de chaîne au cerveau, un boulet au pied, ouais. Je vagabonde d'ici là, il faut tout pour m'inspirer. Le quotidien, mon terrain, me permet de respirer. Quand tu sors, j'écris, ouais. Quand tu dors, je crie, ouais. Quand tu te lèves, je mange, ouais. Quand tu rêves, j'engrange, ouais. J'ai toujours su que dans la musique, y'a pas de dimanche. Ma tchatche est franche, je rêve en secret de brûler des planches. Planche en relâche, assidu à la tâche, mâche pas mes mots. Le rap oublie très vite les oraux et les zéros. Émulation pacifique, Germinal t'explique. Je tire un trait sur l'éthique, les wesh wesh et l'Amérique. Usons nos mailles comme des arbalètes, tendons nos mots vers la cible. Elliot Ness de la variété, lune consciente incorruptible. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je vais passer le relais. Je rappe comme ça, comme chant, écoute ma chat, je suis pas vrai. D'un jour à l'autre, moi aux autres, je veux rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte en fait. Ce qui compte. jour à l'eau de moi aux autres. Je vais passer le relais. Je râle comme ça, comme chant. Écoute ma tchat, je referai ma tchat. Un jour à l'eau de moi aux autres. Je vais rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte c'est en fait. Tout ce qui compte. Un jour à l'eau de moi aux autres. Je vais passer le relais. Je râle comme ça, comme chant. Écoute ma tchat, je referai ma tchat. Un jour à l'eau de moi aux autres. Je vais rester dans le vrai. Demain, un autre jour, c'est tout ce qui compte c'est en fait. Tout ce qui compte.